Ainsi se termine la nuit de la Bilipo. Bilipo, Catherine Chauchard, redites-nous, bibliothèque des littératures policières. Située 48-50 rue du Cardinal Lemoine. À Paris. À Paris. Ah ben voilà, il faut dire. C'est dans le 5e arrondissement. Dans le 5e arrondissement. Et consultable sur Internet aussi. Oui, notre catalogue est en ligne et un certain nombre de documents numérisés de la bibliothèque sont en ligne sur le portail des bibliothèques, mais vous les trouvez aussi sur le portail de Criminocorpus qui a mis un certain nombre de nos expositions en ligne. Alors Mathieu Letourneux, en revanche, en ligne, on ne peut pas voir l'exposition. Eh bien, on peut en voir une partie parce que nous avons l'Europe du polar. Voilà, nous avons fait aussi une exposition virtuelle très riche de documents puisque les dimensions de la Bilipo ne permettaient pas de tout exposer. Et donc, bien au contraire, on peut découvrir toute une série de documents que nous n'avons pas pu proposer directement à la Bilipo. Donc, visite sur le site internet et puis visite évidemment sur place. Sur place jusqu'à l'été, on va dire. Jusqu'à l'été. Oui, et Catherine Chauchard recevra personnellement chacun des visiteurs. Elle n'a pas l'air du tout de Si, c'est prévu. Bah surtout s'ils viennent de l'Europe entière. Bon, c'est ça, oui, parce que donc les auditeurs qui étaient à l'antenne à partir de minuit savent que cette exposition, l'Europe du polar, donc retrace quoi, 40 ans, 50 ans, plus non, un deux siècle. Deux siècles. Ah, oui, de... Deux siècles d'imaginaire criminel. Oui, alors le mot polar existait il y a deux siècles. Non, de récit criminel. Justement, le mot polar, c'est pour ça que moi je préférais Europe du crime, mais n'en parlons plus. Non. Mais non, précisément, des mystères de Paris de Gensu à Millennium. Je voudrais signaler le Détection Club, c'est de Jean Aramba, c'est publié chez Dargaud, c'est une bande dessinée, c'est amusant parce que ça met en scène une certaine Agatha Christie et puis aussi un certain Gilbert Kate Chesterton, et ils arrivent dans une île qui n'est pas déserte bien entendu et qui est occupée, sinon il n'y aurait pas de crime, mais il y a un crime et c'est très joli, très dessiné, très... Enfin voilà, c'est le Détection Club, ça existait. Hein, ça existe et ils ont une superbe bibliothèque que Keating, un auteur anglais, avait à un moment l'ambition de donner à la Bilipo, mais les membres du Detection Club n'ont pas été d'accord. Donc c'est une bibliothèque qui n'est pas du tout équivalente à la Bilipo, puisque c'est les collections des membres du Detection Club, mais ça fait rêver tout de même. Toi, vous, à la Bilipo, vous avez eu des legs et des dons, Messac a donné des choses, voilà. Mais on n'a pas le temps d'en parler. Tout ça, on ne peut qu'inciter les auditeurs de Paris ou qui viennent à Paris à aller voir cette exposition donc à la Bilipo, donc l'Europe du... Polar, bien entendu. L'Europe du crime, ça faisait un peu mafia. Ah, voilà. Je trouvais que c'était un peu ambigu. Bon, aucune ambiguïté. Et puis on peut dire aussi, parce que c'est rue du Cardinal Lemoine aussi, il y a une boutique qui s'appelle L'Amour du Noir, où les amateurs de romans policiers peuvent se régaler. Et c'est 11 rue du Cardinal Lemoine, donc c'est votre rue, c'est un peu plus bas vers la Seine. Et puis si on va vers la Seine, eh bien, face au 29 quai de la Tournelle, il y a aussi un bouquiniste. Alors là, Bernard Terrade, il a sur le bouquiniste très dangereux, c'est écrit sur Polar, cinéma, SF. Et là aussi, je crois que, puisqu'on peut... C'est lui qui avait fondé l'Amour du Noir. Donc, il a gardé ses boîtes sur les quais et il connaît, c'est le même. Donc, il connaît très, très bien. Et le bouquiniste et la boutique L'Amour du Noir, donc, sont à comme ça, voir de toute manière, quoi qu'il arrive. Mais en premier lieu, la Bilipo, la nuit de la Bilipo se termine. Merci à vous, Catherine Chauchard, et à vous, Mathieu Letourneux. Et voilà, la nuit se termine. Donc, Philippe Garbi, Élise Le, Hassan Mbechour, Virginie Mourtet. Très bonne journée à toutes et à tous. Et évidemment, toute cette nuit, les entretiens et les archives sont à réécouter sur le site franceculture.fr à la rubrique des nuits de France Culture. C'est le plus grand, le plus charmant, le plus élégant, avec ses gants, ou bien sans gants, à la scène. Quand il s'amène, quand il s'en mêle, tout se démêle, tout se dégèle, et sans scène, la scène. Quand il s'approche, on cache les broches et les sacoches, il vide les poches, sans arrivanche, la scène. C'est le C'est le roi des tombes, il est brillant. comme le vent la Seine. Avec son parapluie, sa moustache mise en pli, la Seine. Avec son flair infaillible, il est irrésistible, la Seine. Irrésistible et parfois...